Frédéric Sigrist, ça faisait longtemps que vous aviez envie de faire cette chronique et ça y est, vous pouvez enfin nous parler du dernier James Bond, Mourir peut attendre. Eh oui Mathilde, et grâce à 007, on sait que Mourir peut attendre jusqu'à 2 ans. Hey, le 25e James Bond a été repoussé 3 fois. C'est plus une sortie, c'est du harcèlement. James Bond, il sort ses films comme il drague. Oh, pas ce soir, James, j'ai le Covid. C'est pas une excuse pour lui. Le titre original du film est No Time to Die, que l'on peut traduire par Pas le temps de mourir. Pourtant, le film fait 2h43. C'est long, mais c'est long. 2h43, je suis désolé, t'as largement le temps de mourir. 2h43, t'as presque le temps d'aller au Mordor avec des hobbits jeter l'anneau de Sauron dans un volcan. Pour un mec qui arrête pas de faire de placement de produits de montres dans ses films, James Bond, il gère pas bien son temps. Hein. Oui, parce que dans ce film aussi, il y a énormément de placement de produits. D'ailleurs, dans les James Bond, on parle plus de placement de produits, mais de placement de films. Que des montres et des bagnoles. Alors, vu que je suis tout le temps en retard et que j'ai pas le permis, j'étais pas le public. Alors, c'est la 5e et dernière fois que Daniel Craig endosse le rôle du célèbre agent britannique. Et je dois avouer quand même, ça m'a ému. Ça m'a rappelé le retrait de Lionel Jospin de la vie politique. La fin d'une époque. Parce que mine de rien, Daniel Craig, durant son règne, il aura réussi un truc, raconter l'histoire intime de James Bond. Le James Bond de Daniel Craig, il est comme le mari de Sandrine Rousseau, tout déconstruit. Donc vous aussi, Frédéric, comme certaines critiques qu'on a pu lire, vous pensez qu'avec ce film, James Bond est désormais politiquement correct, qu'il est devenu woke, comme ils disent ? Alors, je pense que les critiques qui utilisent le mot woke pour parler d'autre chose que de la cuisine thaï en disent beaucoup plus sur eux que sur le film qu'ils analysent, en fait. Il y a des critiques, il faut vraiment qu'ils se mettent à boire des tisanes nuit tranquille. Hein. Mourir peut attendre, c'est pas un film woke parce qu'il présente des personnages de femmes fortes, agents secrets, parce que le concept n'est pas nouveau. Ali Berry dans Meurt un autre jour et Michelle Yeoh dans Demain ne meurt jamais, elles étaient pas là pour cueillir des fraises. Alors oui, le personnage de James Bond a évolué, mais j'imagine qu'un personnage capable de comprendre la géopolitique contemporaine peut être capable de comprendre quand une femme lui dit non. Et puis bon, même s'il est légèrement plus subtil, ça l'empêche pas de continuer à tuer 722 hommes de main par film, de conduire des bagnoles de collection ou des voiliers, dormir dans des chalets au bord de l'eau avec une paye de fonctionnaire. Tout ça avec la descente d'un Gérard Depardieu en forme. Moi, je bois le cap, tu peux me demander comment je m'appelle. J'ai dit, my name is... Non, le problème de ce film, Mathilde, il vient d'ailleurs. Il vient d'où ? Il vient du fait que Léa Seydoux, sa partenaire, se fait voler la vedette par Eva Green. Mais Eva Green, elle est pas dans ce film, Frédéric. Eh ben, c'est bien le problème. Quand tu joues moins bien que quelqu'un qui est pas là, il faut se poser des questions. Depuis Casino Royale, James Bond est hanté par la mémoire de Vesper, le personnage incarné par Eva Green. Du coup, c'est très compliqué de croire vraiment à l'histoire d'amour que Daniel Craig, 53 ans, est censé entretenir avec Léa Seydoux, 36 ans. Et je ne parlerai même pas du méchant joué par Rami Malek, qui est passé de Freddie Mercury au Mercurochrome, hein, parce qu'il a des gros problèmes de peau dans le film, hein. Il m'a autant impressionné que Mathieu Amalric qui se bat avec une hache dans Quantum of Solace. Qui a eu l'idée de faire ça d'ailleurs ? Reste que dans un monde fait de Jason Bourne, de Mission Impossible et de John Wick, eh bien Daniel Craig, il a su rester classe et pertinent jusqu'au bout. Et pour ceux qui ne se remettent peut-être pas d'un James Bond qui évolue, je crois qu'OSS 117 est toujours sur les écrans. Frédéric Sigrist, merci beaucoup. On a un peu d'avance, on aurait presque le temps de se faire un vodka martini au shaker, hein, c'est ça, au shaker. Faisons ça. À la cuillère, pas au shaker. Voilà, c'est ça. France Inter.